C'est pour ça quand le Nabi alayhi salam il nous dit Muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin. Ordonnez à vos enfants la salat à l'âge de 7 ans. Ça c'est un ordre qui est adressé au tuteur de l'enfant et non pas à l'enfant. C'est le tuteur qui est concerné par cet ordre du prophète alayhi salatu wassalam d'ordonner à l'enfant à partir de l'âge de 7 ans de prier et il n'y a pas de mal à l'initier avant. Mais l'ordre d'une manière ferme, il commence à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, la punition qui commence. La punition qui commence. Après, on peut le punir en le privant d'une chose qu'il aime. Comme l'ordre, il peut être avec lui faire aimer la salat, lui donner des cadeaux à chaque fois il prie, le complimenter quand il prie. Yani, il faut pas comprendre que l'ordre il commence yani avec yani un ordre sévère, un ordre dur. Non. Faut toujours favoriser de faire aimer à l'enfant et de convaincre l'enfant. Faut se comporter avec vos enfants comme vous vous comportez avec des adultes. Et ça, c'est parmi les erreurs pédagogiques, c'est de commencer à parler avec l'enfant, yani en déformant les mots, soi-disant pour les adapter à un enfant. Tu le retardes de cette manière. Un enfant, il faut que tu te comportes avec lui comme avec un adulte, dans ce sens, dans ce contexte duquel je parle. Faut que tu t'essayes toujours de le convaincre, de lui donner les arguments. Et quand tu reviens à l'éducation des compagnons à leurs enfants, ils lui disaient, fais ça, car le prophète alayhi salam a dit. Il lui donne l'argument pour l'attacher à la source. Mais si tu le forces, il va t'obéir tant qu'il n'a pas le choix. Mais dès qu'il a le choix, il sort de ton obéissance. C'est pour ça, un enfant, il faut le convaincre. Comme tu fais avec un adulte. Tu vas pas prendre une personne parce que c'est ton frère ou ta sœur de sang. Tu vas le forcer à faire ça, ça, ça. Ça, c'est da'wah. Avec ton enfant, faut toujours favoriser, yani, ses méthodes. Lui faire aimer, lui donner des cadeaux, lui dire des bonnes choses quand il fait un bien, l'encourager. Et le punir, ça peut être en le privant d'une chose ou d'une autre. Ça peut être en le privant d'une chose ou d'une autre.